Jésus en musique. Jésus en musique, votre espace musical. Un cocktail de musique chrétienne, de chants de louange et d'adoration. Jésus en musique, c'est aussi les anciennes gloires et les meilleures sonorités du moment. Des rencontres musicales, des entretiens avec les partenaires de la musique chrétienne. Une heure de causerie débat, d'entretien avec les partenaires de la musique en honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Animateur, producteur, promoteur des spectacles à caractère musical, artiste musicien, arrangeur, manager chrétien, cette émission est la vôtre. Jésus en musique, c'est la musique d'ici et d'ailleurs sur les 89.4. Présentation, François Delormas. El Shaddai, c'est le moment. El Shaddai, c'est le moment de consoler des enfants. Source de vie, c'est le moment. El Shaddai, c'est le moment de bénir les pour vous faire la présentation du nouvel album du pasteur Alain Elkana, J'ai besoin de toi. Il est même dans ce studio. Voilà, il est aux États-Unis, donc il est en Abidjan. Voilà. Et donc nous allons profiter pour mettre la main sur lui, parce qu'il est là aussi dans le cadre de la promotion de son nouvel album, le troisième. Voilà, J'ai besoin de toi. Alors, pasteur Alain Elkana, bonjour. Bonjour. Alors, mais là, on commence avec. Je sais que c'est un Sud-Africain. Oui, bon. Mais là, tu chantes comme un Sud-Africain. Non, mais non, c'est pas moi, là, c'est mon fils. Aïe, aïe, là, c'est mon fils. En fait, j'ai fait l'album avec mon fils. Ah, ma fille, d'accord, d'accord. Puis, ah, mais c'est bien fait, c'est bien fait. On va écouter, on va écouter. Alors, c'est quoi ça? C'est vrai, n'est pas là lui-même pour répondre, mais tu peux. Ah oui, bien, c'est. Remercier le Seigneur, glorifier le Seigneur, reconnaître sa souveraineté. Ouais, mais non, je veux dire, c'est quoi? Est-ce que là où vous êtes aux États-Unis, il y a des Sud-Africains à côté de vous? Oh, Bayété, bon, il faut dire que c'est un très vieux son. Hein. Mmh. Bon, c'est une salutation en Zulu. Mmh. Et lui, il a donc fait une adaptation. Mmh, mmh. Voilà, et l'arrangement est de lui. C'est bon, on écoute. Ça, il faut un clip, hein, j'imagine. Vous remarquez, hein, que c'était musicalement prouvé. Les peuples qui ont souffert le martyr, qui ont beaucoup souffert, quand ils s'exécutent, là, remarquez, il y a assez de mélancolie. Et regardez ça, quand les Sud-Africains chantent, c'est extraordinaire, quoi. On sent le côté divin, même quand ils ne sont pas chrétiens et qu'ils chantent, on voit Dieu, quoi. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais dire surtout que, ne peut véritablement adorer Dieu que celui à qui Dieu s'est révélé d'une certaine manière. Quoi. Je suis d'accord. Et, bon, ils expriment tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils ont vécu. Oui. Et alors, ça donne une forte émotion. Et puis, quoi, c'est ça, quoi, un peu. On est vraiment content. Alors, Pasteur, on a pris le temps de parcourir plus ou moins l'album depuis qu'on a reçu. Et il y a beaucoup de titres, Baba, Ninyonka, tout ça. Et maintenant, tu as choisi « J'ai besoin de toi » comme titre de l'album. Oui, bon, ça c'est une composition, un chant de mon fils. Mm-hmm. Voilà, donc c'est lui qui chante. Je crois que le monde aujourd'hui a besoin de Jésus. Mm-hmm. Voilà, je pense que c'est à juste titre, quoi. Mm-hmm. Comme il faut évangéliser, on présente notre Seigneur. Mm-hmm, absolument. Voilà, ça c'est... Mm-hmm. Alors, je disais tout dans l'introduction que c'est le troisième album. Ouais. Alors, tu l'as dit, lorsqu'on préparait l'émission, que les choses, les arrangements ont été faits ici, en Côte d'Ivoire, et puis aux États-Unis. Yeah. Les deux à la fois. Alors, pour toi, quand on prend ce dernier album-là, est-ce qu'il y a une grande différence entre cet album et les autres? Oui, bien sûr, parce que là, il y a deux styles d'arrangeurs, mm-hmm. et il y a mon garçon qui a arrangé la grande majorité des titres, mm-hmm. et puis un autre frère, Eric Sepi, qui a arrangé trois chants, mm-hmm. Que moi-même j'ai chanté. Les mm-hmm. trois chants que j'ai présentés, ça a été fait ici, mm-hmm. et lui, il a fait l'arrangement. Il faut dire que sur l'album, je chante avec mon fils, mmh. sa sœur. Mmh. Et puis c'est pour ça qu'on a nommé l'album Team Jesus. Mmh. Team, ouais, l'équipe. L'équipe de Jésus. C'est bon, tous les enfants sont là-dedans. Hein. On n'a pas dit, même la famille, le grand frère aussi, on sait. Il chante très, très, très bien. Je sais que souvent, avant de prêcher, il chante. Et puis, lui, il chante beaucoup en BT. Hein. C'est bon. Ouais. Ici, on n'a qu'un seul chant en BT. On en a deux, mais l'autre chant... C'est pas facile de chanter en BT. Non, mais c'est... Moi, je préfère plutôt chanter dans nos langues. Uh-huh. Voilà. Bon, ça, c'est un chant témoignage, en fait. Uh-huh. Ça veut dire... Je n'ai pas de secours. Je n'ai personne pour me secourir. Ouais, ouais. C'est l'histoire de quelqu'un... Uh-huh. à qui on répond de prendre la drogue, mmh. de prendre la boisson, mmh. et que tout le monde a abandonné. Oui, oui, et oui. donc lui, il dit que, alors qu'il était sur le chemin de la mort, mmh. sur la voie de la mort, Jésus l'a pratiquement ramassé, mmh. Jésus l'a pratiquement pris, et lui a dit, je t'ai donné une famille, mmh. et je t'ai donné un lieu où tu vas dormir. Mmh. Voilà, donc Jésus lui a donné le salut, et c'est un peu l'histoire. On va écouter un taco de kate, Eniku Nyonka, parce que c'est très très important, comme c'est... En ethnie, nous on aime que ça. On va écouter le pasteur Alain Elkana. Gronya ne kegiye buaza Wene no weye nama Wene kegiye bua Eweza wasame somyo Eweza wasame somene Eweza wasame somyo Eweza eninyo yere Jesu libi Dibi kamio Kukungwe kusa Wenyo libi Kamio Yosabosa Kukungwe kusa Ezilibi kamio kukungwe kuzao Libi, libi kamio kukungwe kuza Onena yuo, siye yuo Alors, pasteur, on sent même que dans la monnaie de rendre le chant, on sent que tu es en train de raconter une histoire. Oui. C'est fort ça. Oui. Et je te suis hein, depuis que tu exécutes le chant, dans l'expression de ton visage, on sent que tu. Est-ce que c'est pas toi-même, c'est pas ton histoire que tu racontes? Oh, c'est l'histoire d'un jeune homme. C'est l'histoire d'un jeune homme. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est passé par ces choses-là, ouais. qui a été abandonné, puis ensuite Jésus est devenu, est devenu son secours, le maître. C'est très fort. Ouais, c'est l'histoire de quelqu'un. C'est très fort. C'est... Alors je suis sûr que ça, les Ivoiriens qui sont aux États-Unis, quand ils chantent ça, ils savent que c'est la joie. Oui, bon, chacun, celui qui comprend, il se retrouve après... Bon, c'est bon. C'est bon. Et puis j'entends de très belles voix, lesquelles quoi? C'est les filles? Oui. Ah, c'est beau. Oui. C'est une sœur d'ici qui a fait les cartes. Ah, ça a été fait ici, hein? Yeah. Oh, mais c'est bien arrangé. T'as quoi, allons-y, lave le mercure. Je vous dis que la drogue et la boisson ne sont pas de bonnes choses. Il faut les abandonner et se tourner vers Jésus. Alléluia, c'est vivant. Hein. On sent dans la manière du pasteur de rendre le chant, on sent beaucoup d'émotions, on sent la vie, il vit la chose. C'est très important. C'est qui ça le soliste? Il a joué, hein? Yeah, ça c'est le de Eric Sepiz. Hein. Ah non, c'est bien fait. On sent qu'il répond à toutes les paroles qui ont été apportées. Il vit le chant, il s'exprime. Hein. Amen. Ah là, tu as chanté avec ton cœur. Oui, c'est pour ça que j'aime chanter plutôt. Honnêtement, tu t'exprimes mieux. On vit mieux. Mm-hmm. C'est beau ça. Amen. Alors moi quand je t'écoute, surtout ce son-là, quand j'écoute, je ne sais pas si tu penses comme moi. Tes prochaines venues en Côte d'Ivoire, ça va être très bon. C'est ça, à Gagnoua, c'est à Brilly, c'est... Oui, en plein évangélisation. Nos parents, là, c'est vrai, souvent ils se plaignent de ça. Hein, quand on va même à l'intérieur du pays pour évangéliser, tout est en français et puis ils ne se retrouvent pas. Alors que ça les rapproche. C'est bon. Je pense que... Ils pensent que c'est important. Oui, oui, quand même. Parce que bon, les parents au village ne comprennent pas tous français. Donc, moi, j'aime chanter en baoulé. J'aime chanter dans les ethnies. C'est bon. Parce que, en fait, Abidjan, tout le monde comprend français. Si quelqu'un n'a pas dit qu'il ne connaît pas Jésus, Abidjan ici. C'est vrai. Vraiment, c'est quelque chose de bizarre, mais au village, il n'a pas. Donc, si on peut un peu sortir d'ici. Ouais. Puis aller vers les villageois pour leur apporter ce qu'ils nous ont donné quand même. Donc, ça sera bien. Alors je te rappelle que si tu viens de nous prendre en marche, tu remarques que nous sommes très à l'aise, hein, c'est la musique. La musique procure toujours la joie dans les cœurs. Je suis donc avec le pasteur Alain Elkana et nous sommes en train de vous dire que l'album « J'ai besoin de toi » est disponible. Il est aux États-Unis, mais il vient de temps en temps au pays pour saluer les parents, c'est normal. Et donc, il a saisi l'occasion pour passer nous saluer. Donc, nous parlons de cet album. Et on écoute actuellement Eni Kouyi Nyonka. C'est une œuvre de 8 titres. Alors, homme de Dieu, l'album est disponible, hein? Oui, bien sûr. Mmh. Bien si sûr. C'est trouvé comme un. Wuruta. Wuruta, non? Wuruta. 3000 francs. Ouais. Voilà, il est dans tout le point de vente, ici même à la radio Fréquence Vie. Alors, toi, tu vas repartir, hein? Mais est-ce qu'ici, il y a des contacts qu'on peut laisser pour ceux qui. Je crois que le qui contacte, c'est Eli Oyedou, voilà, en fait. Ok, donc 08 23 08 35 35, et puis il y a l'ancien Traoué Mamadou, oui, voilà, qui voilà, qui nous aide, oui. Donc lui, je vais donner son contact, oui, si tu me permets, oui, et puis bon, voilà, sinon le qui contact, c'est comme je l'ai dit, c'est Oyedou, oui, voilà. 08 23 08 35, Eli Oyedou, 08 23 08 35, ou bien le 07 20 11 92, 07 20 11 92, l'ancien Traoré Mamadou, voilà, avec eux vous pouvez avoir toutes les informations sur cet album. Alors vous avez remarqué, ça c'est ce que j'aime chez nos parents, hein, d'un certain âge. Vous voyez, le pasteur Alain Elkana, il a dit, il a fait une partie ici en Côte d'Ivoire, l'autre aux États-Unis. Il pouvait, le fait que là-bas, la musique a un certain niveau, le développement rapide de la technologie, et compliquer les accords, les notes, les instruments, mais là, pas du tout. Voilà, on sent qu'il a toujours les pieds à la source. Et vous remarquez, hein, les instruments ne dominent pas le contenu du message. On comprend bien les paroles, c'est bien dit, on saisit ce qu'il dit et la musique accompagne. Voilà. La musique ne domine pas, parce que c'est vrai, on va dire c'est parce que c'est un pasteur. Ce n'est pas ça, mais c'est ça la musique chrétienne, le message. Parce que le titre de l'album c'est « J'ai besoin de toi ». Il faut que le message, c'est ça, hein? Exactement, je suis d'accord avec toi. Bon, ça ne sert à rien de compliquer les choses. Et puis, bon, ils pensent qu'on n'a pas besoin de mettre beaucoup de faits dans le truc. Bon, c'est le message qui est plus important. C'est le message, ouais. C'est le message qui est plus important pour moi. Et puis, moi, je pense que, bon, ben, en tant qu'évangéliste, moi, je veux gagner les âmes. Oui, absolument. Donc, on ne m'entend pas, et puis on entend seulement que la musique. Je suis d'accord. C'est plus où on va. Oui, je suis d'accord. En tout cas, il faut que les gens entendent la parole de Dieu. C'est très important. Ntakwe, on va aller avec le titre de l'album, hein, « J'ai besoin de toi ». Alors ça, je pense que ce morceau-là particulièrement mérite qu'on s'y attarde. Hein. Contrairement à ce que nous sommes en train de dire depuis longtemps, ici on sent que vraiment, vraiment, là, c'est beaucoup musique, quoi. On sent, bon, ça c'est la jeunesse et la tendance, c'est normal. Il y a un contretemps voulu, c'est... Lève le mercure, c'est difficile ça. Et ça, c'est leur âge, hein? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un jeune homme, il n'a que 23 ans. Voilà, voilà. Et bon, ce qui fait notre fierté, c'est qu'aujourd'hui, il est dans le service de Dieu avec nous. Ouais. Voilà, aujourd'hui, il est prédicateur. Donc, moi, j'attaque une génération, il attaque une génération. Une autre génération, oui, c'est ça. Donc, c'est ciblé, quoi, c'est voulu. C'est bon. C'est voulu. Ouais. Voilà. Là, on sent que là, c'est le style est complètement différent. Yeah, bien sûr. On écoute. Mais toujours, je veux dire que le côté africain nous rattrape. Hein. Oui, bien sûr. On voit toujours les gens sud-africains. Bien sûr. Ouais. Bon, il est beaucoup influencé par la musique sud-africaine. Mm-hmm. Parce qu'il me disait, papa, tu sais quoi, il pense que ce peuple est différent. Mm-hmm. Ouais, quand ouais. Il adore Dieu. Ouais, c'est vrai. Ce peuple est différent quand il adore ils Dieu. Ils vivent. Voilà, c'est un passionné de la musique sud-africaine. C'est un passionné de la musique. Alors c'est, tout ça, ça donne une autre coloration. On garde le morceau « J'ai besoin de toi » parce que c'est quand même le titre, on va insister là-dessus. Je dis tout ça donne une certaine coloration parce qu'on voit qu'effectivement, quand on écoutait Bayété, on écoutait Eneko Inyonka, « J'ai besoin de toi », on va écouter les autres, on sent que... Il y a tous les gens, voilà. Oui, bien sûr. Tous les styles. Bien sûr. Bien sûr. J'ai voulu juste les encourager parce qu'en fait, c'est pas tellement évident chez nous là-bas où on est, d'avoir ces enfants très, très, très, très engagés dans l'œuvre. Parce que c'est le pays où coule le miel, mais il y a beaucoup de géants. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de géants, c'est une terre très difficile. Et oui, là, oui. Dieu nous a vraiment fait grâce d'avoir nos deux aînés qui sont très, très impliqués dans l'œuvre de Dieu. Et nous voulons juste bénir le nom du Seigneur et les encourager. Donc j'ai voulu faire cet album avec eux pour les encourager, pour leur dire qu'on est avec vous, on est d'accord. Alors, votre génération et la nôtre, on peut travailler quand même ensemble. Voilà, on n'est pas... C'est pour le Seigneur. C'est la Moses Generation et Joshua Generation peut parler ensemble pour la gloire du Seigneur. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire un peu pour les aider à s'accrocher plus au Seigneur. Voilà, vous reconnaissez donc la voix du pasteur Alain Elkana qui est avec nous pour parcourir l'album « J'ai besoin de toi que du reste ». Nous sommes en train d'écouter le titre de l'album. Il est à 3000 francs, disponible ici à la radio Fréquence Vie et dans tous les points de vente. Voilà, vous pourrez, pour avoir de plus amples informations, appeler au 08 23 08 35 08 23 08 35 ou le 07 20 11 92 07 20 11 92. Alors, Pasteur, yes. Tu es là au moins jusqu'à la fin du mois. Oui, je suis là. Bon, là, je reviens de Yamoussoukro pour un programme. Mm-hmm. Et demain, j'en commence un autre à Kouedo. Jusqu'à fin novembre. Fin novembre. Et ensuite, j'y donc on peut quand même t'inviter, pas seulement pour la prédication, mais aussi pour présenter l'album. Bon, mais écoute. Il faut appeler au numéro. Et puis, ça se discute. Ouais, il faut voir. Puis, il n'y a pas de souci. Mais. Bon, si il doit chanter, comme il donne au moins 5 minutes pour qu'il y prêche. Parce que, sinon, c'est normal, quand même. Non, vraiment, ça me fait bizarre maintenant. Bon, d'accord, on a compris. Ntakwe, on va écouter, voilà, le pasteur lui-même, lui s'est illustré, son fils. Et maintenant, on va écouter Baba, le 3, ça c'est la fille. Voilà, parce que c'est toute la famille. Ouais, elle a chanté en duo avec son petit frère. Ouais, on écoute. Elle est très à l'aise. Regardez comment c'est exécuté. Hein. Et ce qui m'intéresse le plus dans ce titre, c'est la cadence. Et puis la manière de rendre le son. Et regardez le jeu de l'organisme. Vous voyez, je vous ai toujours dit que la musique, c'est une personne. Et c'est pourquoi souvent les musiciens dans leur langage, quand ils se retrouvent, tu n'as pas joué, tu n'as pas chanté dans l'esprit du chant. Parce qu'un chant a un esprit. Bien sûr. Un chant a un corps, un chant a une âme. Bien sûr. Et ça, c'est des chants qui s'adressent à l'âme. Regardez ça. On sent l'émotion dans la manière de rendre le chant, vous voyez. C'est mélancolique. Et puis regardez toute la couleur. Et même quand vous ne comprenez pas la langue, il y a quelque chose qui vous attire. La première réaction, c'est, mais vous dites, mais c'est qui ça? Vous voyez? Et elle est en train d'incarner toute l'architecture musicale sud-africaine. Leur manière, ils sont vrais. Ils le font avec vie, ils le font avec force. Ils le font de tout leur cœur. Ils sont vrais. Quel thème? Ils sont sincères, voilà, dans leur approche, dans les choses de Dieu. Regardez ça. C'est son cœur qui chante. Pasteur, on sent qu'elle parle, quoi. Oui. Bon, ça c'est. Bon, c'est un coup de cœur. Hein? Ils sont très calmes. Mmh. Mes deux aînés sont très calmes. Mmh. Donc, ils ne s'expriment que quand ils font les choses de Dieu. Mmh. Et ça, ils font ça avec leur cœur. Mmh. Ils font ça avec leur cœur. Et ça te touche. Elle nous a surpris. Mmh. Elle nous a surpris avec. Mmh. Enfin, elle a chanté là en duo avec son petit frère. Mmh. Et c'est son frère qui a fait la musique. Il a accompagné. Et, voilà, il a respecté. Voilà, voilà. Ils ont bien rendu ce chant et ça. On écoute maintenant. T'as quoi? C'est bon. Alors ça, toi qui es prédicateur, ça c'est des cantiques. J'imagine avant une prédication, ça te met dans les dispositions. Ça te met à l'aise. C'est pas bon. Ça te met à l'aise. J'imagine. Ça te met à l'aise. C'est des trucs qui te poussent à libérer quelque chose. À te suivre passer, à libérer quelque chose. J'imagine. Ouais, ouais. Oh, c'est beau ça. C'est beau, hein. Regardez l'arrangement. Yes. Alors moi je te dis, il faut vite faire le clip de ça. Il faut vite faire le clip parce que j'imagine toute la scène, c'est beau. Et je pense qu'on est en train d'y travailler, on va trouver les moyens pour faire. Mmh. Comme elle arrive bientôt, et on verra bien comment elle va marcher. Alléluia. Hervé, tu lèves le briquet. Regardez le batteur qui suit en même temps. On sent. Alors j'imagine l'ambiance dans le studio quand Hervé est en train d'aller chez elle. C'était fort. Yeah. Bon, mon fils, il a son home studio. Ah, son home studio, ok. Il a son home studio, donc bon, il passe son temps à travailler. Il est très pointueux. Ouais. Donc, c'est un don familial. Il est très pointueux et il est aussi bon prédicateur. Mmh. Yeah. Donc, bon, on ne peut pas demander mieux à Dieu. C'est bien chanté. Écoutez ça. Yes. La couleur qu'il a choisi pour le clavier. Ouais, ça c'est le cœur. C'est l'émotion maintenant. Voilà. Yes. On va reprendre. C'est très bon comme chant. Moi j'aime ça. C'est. Voilà. Vous voyez que il nous a conduit dans la présence du Seigneur et on peut le faire dans nos langues. Oh, bien sûr. On peut le faire en africain. Ce chant, c'est juste nous te remercions, Seigneur, toi qui as fait tout ce pour qui et par qui tout ce existe. Mm-hmm. Nous voulons juste te dire merci pour la vie. C'est un bel homme. Regardez comment elle attaque le chant. L'émotion. Baba, on sent qu'elle parle à son père. Il y a cette intimité là dans la manière de rendre le chant. Oui. C'est vivant. Yeah. Tabo, si tu viens et tu remarques bien, ici on sent que les instrumentistes la suivent. Hein. Ils la suivent. Mmh. On l'accompagne. Yes. Pasteur, il y a quelqu'un qui vient de nous prendre en marche et qui est en train de suivre. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Non, ce qu'on peut lui dire, c'est que moi, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, en ce qui concerne la louange et l'adoration, j'ai toujours dit que je ne peux pas adorer le Seigneur sans une véritable révélation de la personne de Christ. Tu n'adores Dieu que la manière dont il s'est révélé à ton cœur. Et en plus du talent, comme souvent je le dis, en plus du talent, il faut cette vie consacrée à Dieu pour que le talent soit accompagné et assaisonné de l'onction divine. Donc nos chantres, en plus du talent qu'ils ont, ils ont besoin de se prendre très au sérieux, de prendre leur communion avec Dieu au sérieux et de chercher la beauté spirituelle qui va accompagner donc le talent, et ils vont faire des grandes choses. Vous avez vu, c'est très important. Alléluia. Yes. Laissez-vous toucher, hein. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vivez le chant. Baba, quand l'Africain dit Baba, c'est fort, c'est paternel, c'est intime, c'est profond. Ouais, c'est profond. C'est profond. Voilà, y a pas de secret. C'est pas éloigné, c'est la proximité, c'est ça touche. Hein. C'est ça. Regardez la couleur des instruments, les sons. Alléluia. Alléluia. Yes, il joue, hein. Lift your hands. Lève les mains. Et adore. Loue ton Dieu. Yes. Je sens que le pasteur est inspiré ici. Yes. Yes. Yes. Adore, loue ton Dieu. Alléluia. En tout cas, vous avez travaillé. Ouais, la femme fait du bon boulot. Ouais. Bon boulot. Et tu es fier? Oui, je suis fier de ce que ils suivent nos pas. Amen. Ils suivent nos pas dans le Seigneur. Ouais. C'est le plus grand trésor qu'il pouvait nous donner. Ouais. C'est de demeurer dans la présence de Dieu. Ouais. C'est une fierté pour nous. Vous savez, nos vies en tant que serviteurs de Dieu, ce n'est jamais aisé. C'est vrai. Quand l'ennemi ne peut pas mettre la main sur le Père, c'est nos enfants qui en souffrent. C'est vrai. On voit beaucoup d'enfants de serviteurs de Dieu qui ont eu lui. Mais nous prions, nous avons sémé une graine. C'est vrai, ça va rattraper. Nous savons que le Seigneur ne va pas nous laisser je comme ça d'accord. Avec nos enfants. Mmh. Et la graine va pourrir et elle va germer. Amen. Donc amen, je amen. Demande à tous les hommes de Dieu qui passent par des moments difficiles, dont les enfants actuellement sont pris dans la rébellion, de ne pas désespérer. Mmh. Dieu a un plan pour nos amen, enfants. Amen, amen, amen. Oh là là, ça me rassure. Dieu a un plan pour nos enfants. Mmh. Et ils ne vont pas se perdre. Amen. Oh, merci, pasteur. Perdre. Ça fait du bien. 08 23 08 35, réagissez. 08 23 08 35 ou le 07 20 11 92. J'entends ta douce voix, nous débutons donc dans cette mouvance. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for your salvation, Lord. Lord, send your anointing and heal somebody right now. Thank you for all you have done for us, God. We love you. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au sauveur. Lave-moi. Dans le croix. Jésus, roi des rois, tu mourus pour moi. Je peux mourir avec toi, avec toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur. Lave-moi dans le sang de la croix. Jésus, roi des rois. Et c'est tellement bien écrit ce cantique-là que c'est le cantique qui traverse toutes les générations. C'est bien écrit. Et puis, pourquoi tu as voulu le rendre avec un rythme? Parce qu'au départ, c'était bien, tu nous as transporté. Et puis après, on n'a rien compris. Oui, bon, ben, écoute, un jour, j'ai écouté une chanteuse sud-africaine. Je ne sais pas si je dois dire son nom. Allons-y. Rebecca Malope. Oh là là, oh là là. J'aime cette dame. Oui, j'aime cette elle, dame. Elle dégage. C'est une boule de feu. Oui, oui, oui. Une femme de coup de taille, de mi-taille. Mais qui est grande au niveau du talent. Et un jour, j'ai écouté ce chant et puis elle a interprété d'une certaine manière. J'ai dit, mais tiens. Tiens, c'est qu'on peut faire autre chose avec tout, quoi. Et ça m'a tellement impressionné que quand j'ai eu l'opportunité de pouvoir accompagner les enfants, je me suis dit, mais tiens, je vais le rendre. Je vais le rendre comme ça. Parce que quand tu vois son clip, bon, en tant que Sud-Africain, enfin, comme tu l'as si bien dit, les peuples qui ont souffert, ça va adorer Dieu. Ils s'amusent pas. Mais ça m'a tellement impressionné que j'ai dit, bon, moi, on a l'habitude de chanter en adoration, mais je vais introduire. Attends, puis... on va écouter, regardez ça. On sent que le passé est inspiré là. Oui, ça m'a poussé en plein studio de faire des déclarations prophétiques. C'était fort. Je ne me suis pas retenu et donc j'ai dû laisser le Saint-Esprit lui dire ce que Dieu a mis dans mon cœur. Parce que ton roi a été crucifié. Parce que ton roi. A été enseveli. C'est bon, c'est un bel album. Et ressuscité vivant d'entre les morts. Et il a dit, j'étais mort, mais voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ainsi, soit-il. Jésus, roi des rois, le roi des rois. Ah oui, ça vous plaît, réagissez au 59 37 40 31. 59 37 40 31 59 37 40 31 ou le 08 23 08 35. Toi sur la croix. Ah oui, ah oui. Je sais que vous vouliez qu'on vous donne l'occasion d'écouter encore. C'est pour ça que nous vous disons que l'album est disponible à 3000 francs seulement. Ici à la radio fréquence, dans tout le point de vente, et puis appelez à ce numéro 08 23 08 35. Le 59 37 40 31 59 37 40 31. Vous avez quelque chose à dire, à partager avec l'homme de Dieu, vous voulez l'encourager, ou voilà, vous avez des préoccupations, vous voulez en savoir davantage, eh bien appelez à ce numéro. On va progresser parce que c'est un album complet. On va écouter maintenant Mon Libérateur. On t'accueille quand tu veux. Lady tiras sur mon cœur par ta présence. La vie est comme toi. Lago, lago, lago. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Je veux te louer, Père de Bogota. Je veux te louer, Yahweh. Oh Jésus. La vie est comme toi. Dans la maladie, tu m'as libéré. Dans la souffrance, tu m'as libéré. De la pauvreté, tu m'as fait sortir. Oh Jésus, qui est comme toi, Jésus. Si Dieu aussi t'a libéré, frère, lève-toi, chante et danse avec moi. Oui, tout à l'heure, je disais que c'est un album complet à tous les gens, parce qu'on ne pouvait pas ne pas danser quand même. Yes. Hein, yes. Hein, non, tu es d'accord? Yeah, moi, j'aime bien danser. Ouais. Bon, ben... Quand même, on est en Afrique, hein, quand même. Ouais, quand même, on est en Afrique. Quand même. Je suis d'accord. Et bon, ben, il faut dire que dans notre assemblée là-bas, la particularité de notre assemblée, c'est que nous, on prêche l'évangile. On peut passer facilement 1h30 dans l'adoration. Là, ça, c'est bien, c'est bien. Moi, je crois que... Il y a beaucoup d'Africains, hein? Oui, bien sûr. Et moi je crois, honnêtement, frère Delomas, je te dis, c'est que je ressens dans mon cœur. Si nous voulons voir, continuer à voir les miracles, continuer à voir les œuvres de l'Esprit dans l'Église, alors donnons une place de choix à la louange et à l'adoration. Parce que la Bible déclare que Dieu siège dans la louange. Dieu ne siège pas dans la prédication. Il siège dans la louange. Ah, ça, c'est un passage qui parle. Et moi, je crois que quand on va ouvrir un peu plus d'espace, si nous voulons voir les miracles, si nous voulons voir les œuvres, l'esprit se manifester d'une manière glorieuse dans l'église, donnons de l'espace à la louange et à l'adoration. Amen, donnons amen, à Dieu ce que Dieu aime. Amen, amen, amen, amen, la amen, nourriture de Dieu, amen, c'est amen, l'adoration. Amen, c'est amen. Quand Dieu est adoré comme ouais, il se doit, il aime ça. Quand Dieu est adoré, qu'il est content, ouais, il relâche. Amen. Oh, il relâche. Et voilà, il relâche. On va danser. Voilà, il relâche la bénédiction et puis l'homme de Dieu n'a pas fait des efforts. Donc, bon, en tout cas, moi, j'insiste là-dessus. Hein. Jésus-Christ m'a libéré. Il m'a restauré. Et Emmanuel m'a restauré. Je suis libéré. Alors, vraiment, ça, c'est un Ivoirien. Ça rattrape. Ouais, ça rattrape forcément. Ce qui est étonnant, c'est qu'il se joue très, tellement très mal en français. En vrai, mais quand il est en train de chanter là, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, c'est Dieu. C'est le saint. On est content. En tout cas, notre libérateur, c'est Jésus, donc il faut l'exprimer. Alors, pasteur, j'ai pas envie de te quitter. C'est aussi ça, hein. Le problème de cette émission, c'est que c'est quand on est vers la fin, ça commence à être intéressant. Ntagwe, mon bien-aimé, hein? Alors on est en train de terminer. Oui, bien sûr, ça a été un grand plaisir pour moi d'être dans la radio de la vie, et sur les ondes de la radio de la vie. Je voulais vraiment vous féliciter pour tout le boulot que vous faites pour le Seigneur. C'est pas facile. Oui, on est là. C'est pas facile, mais... vous êtes des instruments entre les mains du Seigneur. Amen. Merci, pasteur. Les âmes au Seigneur. Merci, pasteur. Donc nous prions pour vous. Quand les dieux pourvoira un jour qu'on a les moyens, on verra comment il faut aussi aider. Okay. Parce que chacun ici, à quelque niveau que ce soit, a besoin d'être soutenu, d'être encouragé. Mmh. Et voilà. Mais c'est bizarre parce que votre directeur, chaque fois qu'il passe chez nous, que je l'invite, il n'a jamais répondu. Il viendra. Il viendra. Vous voyez, je parlais tout à l'heure de différents genres, les styles, et ça c'est à l'acoustique, et j'aime bien ça, et c'est doux, voilà. Et puis j'ai aimé la manière dont le fils a fait l'arrangement. Pour chaque chant, il connaît la couleur de celui qui peut rendre le chant. Regardez ici, de laisser la fille, parce que l'acoustique est beaucoup plus, c'est beaucoup langoureux, et les accords qui y sont, vous savez qu'il y a des notes qui sont beaucoup féminines, voilà, tel que, surtout quand on ajoute les mineurs, regardez ça. C'est bien fait. Embêté, hein? Yeah, bien sûr. Mais tu as pris le risque? Ouais. Bon, mais tu t'as dit qu'elle allait bien prononcer? Oui, mais j'étais convaincu qu'elle allait. Elle allait ah, oui, elle est ici. Oui, mais elle est partie qu'elle avait dit, c'est 12 ans. Ouais. Oh là là, un peu. Je vois. Regarde le niveau de voix. Yes. Alors ça, c'est pour le mariage. Yeah. Hey, c'est vraiment son bien aimé. Moi, j'ai pas dit où elle va, où se trouve. Il nous dit où se trouve le bien. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ce n'est pas quelques temps qui me dira le contraire. Yes. À tout le moment de Côte d'Ivoire, Madame Outakwe. C'est devenu Koromarik. Bon, Madame Outakwe, c'est suffisant. Regardez l'harmonisation, les voix. Ah oui, ça, il faut être un très bon chanteur. Pasteur, que Dieu te bénisse. Parce que les enfants les ont travaillé. Oui, je pense qu'il me disait, il dit, papa, attends, on va reprendre ça, attends, on va reprendre. Il dit, non, ça va, ça suffit comme ça. il est très, très pointilleux, il est vraiment très pointilleux. Il aime le Seigneur, il aime la musique. Amen, amen. Mon fils a appris à jouer au clavier sans que personne ne lui montre comment il joue. Ça, c'est Dieu. Et là, bon, aujourd'hui, il joue à tous les instruments. Amen, amen, amen. Il est bon bassiste, il est bon pianiste, il est bon batteur. Et voilà. Donc, bon, c'est vraiment une grâce particulière. Même notre avant-dernier, qui s'appelle Bangoré. Avant, tu l'as donné le nom? Oui, bien sûr, c'est mon père. Donc, il a 10 ans. Mais, ensuite, quand il est sur la batterie, mais, il est dit, mais. Donc, Dieu fait des choses Dieu merveilleuses, fait. Mais. Voilà, je suis en train de travailler avec eux pour ne pas qu'ils se détachent du pays. Voilà, parce que. Oui, je suis d'accord. Voilà, de temps en temps, il faut qu'ils viennent. Non, non, non, il doit pas. Parce que je leur ai dit, mais vous n'êtes pas américain, vous êtes. Ivoirien. Vous êtes ivoirien. Je suis d'accord. Vous êtes américain, c'est bien, même. En même temps, sachez que vous avez une origine. Donc, on parle le BT à la maison. Ça, c'est on bien. On parle français à la maison, on parle anglais à la maison. Bien sûr. Voilà. 59, 37, 40, 31. 59 37 40 31 07 20 11 92 07 20 11 92. En tout cas, vraiment, on n'a pas envie de vous quitter. On n'a pas envie de quitter le pasteur Alain Elkana. Vraiment, on est content. C'est un très très bel album. Hein, voilà, 8 titres. Vous pouvez la voir ici à la radio fréquence et dans tous les points de vente à 3000 francs. Pasteur, merci d'être venu. On ne peut pas te laisser sans que tu pries pour nous. Tu pries pour les auditeurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, il faut dire que c'est toujours émotionnel de venir à Fréquence Vie. On a vu comment les choses n'ont pas été faciles au départ, mais aujourd'hui, Fréquence Vie, c'est pratiquement imposé. J'étais à Yamoussoukro, et c'est fabuleux le travail qui se fait là-bas. Et on bénit Dieu pour le directeur qui fait vraiment du bon travail avec ses collaborateurs. C'est pas facile de diriger les hommes, mais avec la grâce de Dieu, je crois que c'est bon. Tu as prié. Et toi, tu es un monument de radio fréquence vie. Il y a longtemps qu'on est là quand même. Voilà. C'est pas bon de prier, on est toujours là. Voilà, on va prier. Seigneur, notre Dieu et notre bon Père qui est dans les cieux, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je voudrais élever ma voix vers toi pour tout le personnel de fréquence vie, les animateurs, les techniciens, le directeur, tous les autres employés, Seigneur. Parce que c'est par leur bien que Seigneur notre Dieu, nos parents qui sont très loin et dans les contrées où nous ne pouvons pas aller pour le moment, entendre la voix du Seigneur. Nous voulons te dire merci pour leur vie, merci pour leur famille, merci pour leurs activités, Seigneur. Nous prions que ta grâce repose sur leur vie. Nous prions que, Seigneur, ta faveur repose sur leur vie. Et que, Seigneur notre Dieu, tu puisses encore élargir leur tente afin que ta parole soit connue et que Jésus soit accepté dans tous les coins et recoins de ce pays, Seigneur. Je prie en ce moment pour cette radio, mais je profite que le message de la paix, le message de la réconciliation parte au Dieu de cette radio pour atteindre les cœurs, pour atteindre les âmes